croiser la nuit en pluche avec mon Posca. Colorions la ville, baisant les murs sans polka. Pas de pause, gars, 4h du mat, opérationnel, je me pose là. Marchant mes textes dans les ruelles ou à la maison, en chaussons, même dans la galerie. Et c'est ça qui est beau. Moi, quand son irrigue, je suis un lion dans la savane et pas des oiseaux. Un poisson dans l'eau, un requin. Je suis marteau, dans des lucs. La seule vie du spectacle, désolé. Tu passes en face à la télé, non mais t'as vu comment t'es lié. Moi, j'écris des phrases impliquées comme des sabres japonais. Depuis le temps, mon joli jumper était des japonais. Et les rimes qui font planer, qui me font que t'étonner. Depuis le temps, ta grande sœur mangeait du poisson pané. Yeah. Bye.